Allô, ouais, c'est encore moi. Je sais que ça fait 4 fois que je t'appelle, mais s'il te plaît, réponds. Je m'en veux, mais on va pas se quitter comme ça, s'il te plaît, réponds-moi. Il faut vraiment qu'on arrange tout ça. Tu me manques. Je sais que tu l'aimes, je sais que t'es amoureux, mais je vois plus de larmes que d'étoiles dans tes yeux. Tu me racontes ton histoire et tu pleures des lâches. La page est trop mouillée, donc tourne-la. Elle, oublie-la. La vérité, c'est qu'elle m'a jamais plu. Puis merde, pense à notre pote qui en a jamais eu. C'est pas ta faute, moi je m'en moque si tu pleures, tu sais. Et je suis ton pote, donc j'ai la colle pour ton cœur brisé. Il faut qu'on se calme devant la télé. Il faut qu'on se parle, qu'on se marche. Je te vois appeler, non, commence pas. Mon gars, tu veux l'appeler, il faut qu'on parle. Qu'on se bat, faut pas l'harceler. T'es un type super, elle est super conne. Souviens-toi la fille de l'hyper, elle était hyper bonne. Arrête tes conneries, bien sûr que non, tu veux pas mourir. Pour te consoler, moi je suis tellement pourri que j'aurais pu t'écrire une balade. Ça t'aurait rendu malade, mais t'aurais chialé encore. J'ai préféré te dire c'est pas grave, te raconter des salades. Puis genre, les copains n'importe, j'aurais pu t'écrire une balade. Ça t'aurait rendu malade, mais t'aurais chialé encore. J'ai préféré te dire c'est pas grave, te raconter des salades. Les gens, les copains d'abord. C'était pas la première fois. Y'en a eu d'autres, et y'en aura d'autres. Ouais, tu sais, c'est pas la première fois. Y'en a eu d'autres, et y'en aura d'autres. Ouais, tu sais, c'est pas la première fois. Y'en a eu d'autres, et y'en aura d'autres. Ouais, tu sais, c'est pas la première fois. Y'en a eu d'autres, et y'en aura d'autres. J'ai fait du plus vite que je pouvais. Gêné comme tes yeux, j'ai rougi. Puis allume la lumière. Tu vas t'effondrer comme ta bougie. Je vois que tu boudes, y'a encore son odeur sur les draps. Je sais jamais trop quoi dire à part sourire et t'ouvrir mes bras. Puis viens, on traîne déjà au prochain. Moi je suis ton grand pote, lui c'était juste un petit copain. Il était moche de toute façon, tu ris quand je le charrie. Et si tu trouves aucun garçon, dans 10 ans on se marie. Arrête de râler, y'a plus grave, viens on crame tes affaires. Tu veux le numéro de mon cousin, il est célibataire. Non je déconne, si toi t'es pas grosse, mais je le dis toujours. Pour ouvrir les portes du bonheur, pour bien des poignées d'amour. Tu te plains pour rien, regarde ce soir là. T'es pas seul, si j'étais plus musclé pour toi, j'aurais cassé la gueule. J'avoue c'est plus classe dans les films, mais je fais ce que je peux. T'étais là quand j'étais mal, donc pour que t'ailles mieux. J'aurais pu t'écrire une balade, ça t'aurait rendu malade, mais t'aurais chialé encore. J'ai préféré te dire c'est pas grave, te raconter des salades. Genre, les copains d'abord, j'aurais pu t'écrire une balade, ça t'aurait rendu malade.